Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Cet été, dans un petit magasin d'antiquités, en réalité c'est un vrai bric-à-brac, je suis tombé sur une série de vieilles photographies encadrées, des portraits d'hommes, des portraits de femmes du siècle dernier, des portraits de familles en noir et blanc, des messieurs au regard sévère et des femmes qui prennent la pose. Et le vendeur avait cru malin, ça l'était, de placer un écriteau à côté de ces photographies. « Si vos ancêtres ne sont pas beaux, achetez-en de nouveaux ». Il aurait pu ajouter « Si vous n'avez pas de photos de vos ancêtres, eh bien vous pouvez en acheter ». Se chercher des ancêtres honorables et un passé prestigieux, c'est ce qu'ont fait les nationalismes pour se construire. Car les civilisations perdues sont parfois des civilisations qui ont été inventées pour répondre aux aspirations contemporaines. Cette semaine, le cours de l'histoire s'intéresse au goût pour les civilisations perdues, mais comment peut-on rêver ses propres ancêtres? Hier, c'était les Étrusques et aujourd'hui, ce sont les Phéniciens. Les Phéniciens avec vous, Corinne Bonnet, professeure d'histoire grecque à l'Université de Toulouse. Bonjour Corinne Bonnet. Bonjour Xavier Mauduit. Et nous allons parler des villages lacustres en Suisse également avec Marc-Antoine Kaiser. Vous êtes docteur en archéologie, directeur du Laténium, le parc et musée d'archéologie à Neuchâtel. Bonjour Marc-Antoine Kaiser. Bonjour. Et à la fin de l'émission, nous retrouvons pour son journal de l'histoire Anaïs Kien. Anaïs Kien qui assure également la programmation de cette émission. Anaïs, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, en fin d'émission, je vous parlerai Seconde Guerre mondiale, documentaire d'histoire et remède à l'ennui. Ah, ça fait envie. Vive le remède à l'ennui. Allez, pour le moment, nous partons à la rencontre des Phéniciens, un peuple majeur de l'Antiquité, bien sûr, mais qui aurait tout simplement été inventé. Petit passage en 1969 à l'ORTF, quand Jean Mazel, homme de lettres et cinéaste, parle de sa quête pour réhabiliter les Phéniciens. Nous avons fait 55 000 km au total, nous avons parcouru 16 pays du monde, et nous avons recherché dans le monde, en plein XXe siècle, c'est un reportage très moderne que nous avons voulu absolument faire dans le monde d'aujourd'hui, nous avons voulu retrouver la trace de ces fameux Phéniciens, aussi bien des objets que des survies, que des coutumes, que peut-être même des souvenirs encore vivants dans le monde d'aujourd'hui, car il y en a. Les Phéniciens ont été quand même les mal-aimés de la Méditerranée. Ils ont été les mal-aimés parce que les historiens grecs et latins nous ont dit pique-pendre sur eux, car évidemment les historiens grecs et latins flattaient le pouvoir, ils flattaient les Romains et les Grecs et les Romains qui étaient, comme tout le monde sait, les ennemis des Phéniciens. Alors nous avons essayé de faire reposer notre enquête sur des données beaucoup plus réalistes, sur l'archéologie en particulier, donc sur des objets, des découvertes trouvées dans le sol. Et cela, c'est une sorte de réhabilitation que nous avons voulu faire de ce monde phénicien. Les mal-aimés de la Méditerranée, ces Phéniciens. Corinne Bonnet, vous êtes donc professeur d'histoire grecque à l'Université de Toulouse. Vous êtes auteur d'une préface d'un ouvrage intitulé « À la recherche des Phéniciens » qui a été écrit par Joséphine Crowley-Quinn, qui vient juste de paraître aux éditions La Découverte. Corinne Bonnet, qui sont ces Phéniciens, en tout cas tels qu'on se les représentait il n'y a pas si longtemps, au XXe siècle, et peut-être encore aujourd'hui? Alors, dans ce qu'on vient d'écouter, y a des choses intéressantes et d'autres qui me semblent plus contestables. Donc, ce qui est juste, c'est qu'effectivement, la connaissance que l'on a des Phéniciens passe beaucoup, mais pas exclusivement, passe beaucoup par les sources grecques et latines. On pourrait citer aussi la Bible, des sources égyptiennes, assyriennes, etc. C'est-à-dire une connaissance qui est indirecte, qui est médiée. De là à dire que la vision que les sources grecques et latines donnent des Phéniciens est une vision exclusivement négative, là je ne serais pas tout à fait d'accord. On va nuancer tout ça, mais déjà ces Phéniciens, qui sont-ils? Enfin, ils vivent où? Ils vivent quand? Voilà, alors, bon, peut-être une prémisse à tout ça, c'est que le nom même des Phéniciens est un nom grec. Donc forcément, quand on parle des Phéniciens, on adopte un point de vue extérieur. Donc je peux vous dire ce que sont les Phéniciens, ou je peux essayer de vous dire ce que sont les Phéniciens pour les Grecs. C'est beaucoup plus difficile, et c'est un des grands mérites du livre de Joséphine Quinn, c'est beaucoup plus difficile de dire ce que sont les Phéniciens pour les Phéniciens eux-mêmes, puisqu'ils ne s'appelaient pas comme ça. D'accord, ils ne s'appelaient pas comme ça. En tout cas, Voilà, si on veut les situer, en gros, on est sur la côte libanaise, mais on peut aussi y inclure la montagne, hein, le Liban et l'anti-Liban, la plaine de la Bekaa entre les deux. Et puis, la limite nord, la limite sud, c'est extrêmement débattu. Et par ailleurs, ce qui est caractéristique et fascinant, hein, puisque vous parlez de l'intérêt pour ces peuples disparus, c'est que les Phéniciens ont essaimé dans toute la Méditerranée. Donc on les retrouve sur toutes les rives de la Méditerranée, de l'Espagne au Liban, si on va d'est en ouest, et puis du nord au sud, tout le pourtour de l'Italie. On a quelques petites traces en France méridionale, et puis bien sûr toute la côte nord-africaine et jusqu'en Égypte. Ah oui, on les retrouve partout en Méditerranée, donc oui. Le foyer de ce peuple donc serait le Liban. On peut l'étendre à la Syrie aussi un peu ? Oui, on peut remonter jusqu'à la Syrie, par exemple la ville d'Arwad, Arados, qui était une cité phénicienne importante, est aujourd'hui en Syrie. Et vers le sud, il y a des cités qui aujourd'hui sont sur le territoire d'Israël, qui présentent, on va dire, un faciès, donc un type de culture matérielle qui est tout à fait analogue à ce qu'on trouve dans le sud du Liban. Et donc nous sommes dans l'Antiquité. Nous sommes dans l'Antiquité à quel moment à peu près ? Nous sommes vraiment dans une Antiquité vraiment ancienne, c'est-à-dire que nous sommes contemporains des Grecs. Oui, alors là aussi, jusque quand, jusqu'où peut-on faire remonter l'usage du terme phénicien ? C'est très débattu par les historiens. En général, on fait commencer l'histoire phénicienne avec les peuples de la mer, donc autour de 1200-1000 avant notre ère. Et puis on descend jusqu'à Alexandre. Certains estiment qu'avec la conquête d'Alexandre en 332 avant notre ère, on passe à autre chose, c'est plus la Phénicie. Personnellement, j'ai défendu le fait que la Phénicie, non seulement existe après Alexandre, mais d'une certaine façon connaît une espèce de renaissance culturelle à l'époque hellénistique et romaine. Corinne Bonnet, vous nous avez dit que ce nom phénicien vient des Grecs, mais oui. Eux-mêmes, les Phéniciens, comment s'appellent-ils ? Comment ils se considèrent ? Alors, donc il faut savoir que d'un point de vue politique, toute cette côte libanaise, y compris l'arrière-pays, est parsemée de petits royaumes. Je citais Arwad, Arados, on pourrait citer Byblos, Sidon, Tyr et d'autres, étaient des royaumes autonomes, indépendants, parfois un peu concurrents. Entre Tyr et Sidon, on sent bien qu'il y a une concurrence pour être la cité la plus importante de la région. Et donc, en réalité, il n'y a jamais eu de pays, on pourrait dire nation, hein, puisque c'est un peu un des thèmes de l'émission, il n'y a jamais eu de nation phénicienne. Mais vu de l'extérieur, pour les Grecs, tous ces petits royaumes de la côte d'en face, si je puis dire, de l'autre côté de la mer Égée, eh bien, c'était les Phéniciens, c'était la Phénicie. Mais eux-mêmes s'appelaient Tyriens, Sidoniens, Giblites, c'est-à-dire de Byblos. Donc, ils s'appelaient selon le nom de leur royaume d'origine. C'est important ce que vous venez de dire, Corinne Bonnet. Ça veut dire que ces Phéniciens n'avaient pas la conscience d'appartenir à un groupe. Non. En tout cas, on n'en trouve guère de traces. Et c'est un des points importants, je pense, du livre de Joséphine Quinn. Elle montre bien comment on a imputé une espèce de conscience collective aux Phéniciens. Mais en réalité, quand on regarde de près les pratiques diplomatiques, les réseaux commerciaux, etc., on s'aperçoit que c'est difficile de trouver vraiment des éléments probants quant à l'existence d'une sorte d'affiliation commune. La religion, moi je suis plutôt une historienne des religions, on trouve des divinités qui sont en bonne partie partagées et puis d'autres qui sont tout à fait spécifiques. Donc très difficile en effet de postuler l'existence d'une culture commune et donc d'une identité, hein, le mot est lâché, d'une identité commune. Mais est-ce qu'il y a des traits communs ? Vous savez, quand on dit le mot phénicien, on pense souvent à l'alphabet. Oui. Alors, oui, l'alphabet est partagé, la langue est partagée avec quelques spécificités dialectales. Hein, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais par exemple, dans les inscriptions qui viennent de Byblos, on trouve des suffixes possessifs qui ne sont pas utilisés ailleurs. Évidemment, si on se déplace en Méditerranée, l'écriture et la langue qu'on trouve à Carthage est quasiment la même avec de petites variantes. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi que c'est difficile de trancher. Il y a du commun, mais il y a toujours des petites spécificités qui distinguent. On peut proposer un parallèle avec le monde grec en vérité. Hein. On parle de les Grecs. Puis quand on regarde l'organisation territoriale, c'est un ensemble de cités-États, comme on dit. Et là aussi, avec des petites variantes dialectales, avec des variantes dans l'écriture, etc. Et voilà, ça donne à réfléchir quant à ce qui pouvait éventuellement unir ces peuples. Et quand on regarde le cours de l'histoire, ce qui les unit souvent, c'est l'opposition à d'autres peuples. Les Grecs, disaient Phéniciens, regroupaient tous ces différentes cités sous un même nom. Il y a aussi peut-être d'autres raisons qui expliquent ça. Comme vous l'expliquiez, les Grecs regardent de là où ils sont. Et de là où ils sont, ils voient quoi? Ils voient des commerçants? Il y a aussi des traits communs par l'économie? Oui, je pense que ce que les Grecs voient, c'est des... Alors, l'interview de Mazel était intéressante de ce point de vue-là. Ce sont pas que des adversaires, ce sont aussi des... Ce peut être des concurrents commerciaux, mais parfois aussi des collaborateurs. On a des traces. Vous savez, quand on trouve des épaves en Méditerranée, on s'aperçoit que le chargement de ces épaves était très, si on peut dire, international. Et donc, il faut imaginer que sur des bateaux, on pouvait trouver un armateur grec, un pilote phénicien et un équipage mélangé, fait, pourquoi pas, d'étrusques, de syriens, etc. Donc... effectivement, de ce point de vue-là, on est dans un monde qui est probablement plus cosmopolite et plus ouvert, plus fluide. C'est aussi une des thèses fortes du livre de Joséphine Quine. Éviter de figer les situations. Oui, c'est beaucoup plus simple de figer une situation pour la comprendre. C'est ce qui a été fait très tardivement pour expliquer les Phéniciens, ce peuple qui a vraiment fasciné. La vision des Phéniciens, telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elle nous a été transmise, se met en place assez tard, en fait. On est plutôt autour du XVIIIe siècle. Absolument. Mais vous savez, il faut tenir compte du fait que le déchiffrement du Phénicien se fait en 1758. L'abbé Jean-Jacques Barthélemy, sur la base d'inscriptions bilingues, arrive à déchiffrer le Phénicien. Donc jusqu'à cette date-là, on ne connaît les Phéniciens que par les témoignages extérieurs, grecs, la Bible, etc. Et à partir de 1758, on commence à lire les inscriptions, donc on a une connaissance un peu plus directe et intime des Phéniciens, mais il faut attendre... Je dirais, le premier tournant, c'est la mission de Phénicie de Renan, d'Ernest Renan, 1860-61, où là, il revient avec une moisson d'inscriptions, d'objets, la plupart se trouvant au musée du Louvre, et puis les fouilles progressivement qui se développent, qui sont pourvoyeuses d'objets, d'inscriptions, de témoignages, de traces directes de ces Phéniciens. Donc oui, c'est une discipline qui se développe relativement tard. Justement, Corinne Bonnet, nous allons écouter Ernest Renan. Ernest Renan, qui parle de sa mission de Phénicie dans un texte qui est paru un tout petit peu après cette mission. Il a paru en 1864. Ernest Renan, qui est lu ce matin par Daniel Koenigsberg. Pour découvrir l'art grec, l'art égyptien, l'art étrusque, même l'art persan et assyrien, de longues fouilles n'ont pas été nécessaires. Hérodote, qui nous témoigne son admiration des monuments de l'Égypte et de Babylone, fait à peine attention à ceux de la Phénicie et n'y mentionne que le temple de Melkarth à Tyre. L'art phénicien a sûrement été de tous les arts le plus maltraité par le sort. Nous croyons cependant que, quand même l'art grec se fût trouvé dans des conditions semblables, quand même les Templiers et les Teutoniques se fussent logés à l'Acropole d'Athènes, le génie grec se décèlerait encore. En somme, chaque peuple crée au moins une des conditions fondamentales de la conservation de ses monuments. L'architecture est le critérium le plus sûr de l'honnêteté, du jugement, du sérieux d'une nation. Un vieux mur est un témoin historique sans appel. L'historien peut, dans une certaine mesure, juger les peuples et les époques par la solidité et la beauté des édifices qu'ils nous ont laissés. Quoique les destinées historiques que traverse un pays créent à cet égard, tout mérite égal d'ailleurs, de grandes inégalités. L'infériorité des Phéniciens en fait d'art semble du reste avoir persisté jusqu'à nos jours dans le pays qu'ils ont habité. La population de la côte de Syrie, éminemment douée pour le commerce, est la moins artiste du monde. Que l'on compare une église maronite, misérable maison, sorte de dés de pierre, sans fenêtres ni clocher, à nos charmantes églises de campagne. Quelle différence! Les églises des orthodoxes, lesquelles représentent plutôt l'élément grec de la Syrie, montrent, un peu plus de goût. Les religions de la Phénicie, quoiqu'elles admissent pour la plupart les images, ne portaient pas évidemment à raffiner sur la forme plastique des dieux. Un culte aussi féroce ne pouvait prêter à l'art. Daniel Koenigsberg qui lit Ernest Renan, Mission de Phénicie, une mission donc dans les années 1860 sous le Second Empire. Pourquoi y a-t-il eu besoin de réfléchir à la Phénicie? Il y a une vraie quête à la fin du 19e sur ce qu'est une nation. Et pourquoi, Corinne Bonnet, les Français se sont intéressés à la Phénicie? Ils ne sont pas les seuls. Ah non, ils ne sont pas les seuls. Les Anglais s'y étaient intéressés auparavant. Mais c'est vrai que le premier à mener une véritable mission archéologique, c'est Ernest Renan. Son choix de la Phénicie, c'est évidemment la proximité par rapport à Israël. Hein. Renan est un hébraïsant. Il s'intéresse aux langues avant tout et puis aux religions. Il faut peut-être replacer Renan dans son époque. C'est une époque où on estimait que chaque peuple était habité par une espèce d'esprit. Hein. C'est très présent dans l'historiographie allemande. C'est ce qu'on appelle le Geist. Et pour Renan, les Sémites, ce qu'il appelle les Sémites, ont apporté à l'histoire des civilisations, à l'histoire du monde, une chose fondamentale, c'est le monothéisme. Et donc, au fond, avec la Phénicie, il s'approche d'Israël. Et je pense que vraiment son intérêt, il est essentiellement là. Il va effectivement trouver en Phénicie, au fond, un paysage culturel décevant. L'extrait était magnifique hein, de ce point de vue-là. Une architecture qu'il trouve plutôt méprisable, un art qui n'a absolument pas le charme de l'art grec. Et donc, au fond, des Sémites qui n'ont pas du tout le même rayonnement dans l'histoire universelle que les Hébreux, un peuple de commerçants, intéressé essentiellement à une culture matérielle très pragmatique. Et voilà un petit peu le portrait qu'en dresse Ernest Renan dans sa mission de Phénicie. Néanmoins, il faut lui reconnaître un très grand mérite, c'est d'avoir ramené en France une moisson d'objets tout à fait intéressante, et notamment des inscriptions. Et outre cette mission de Phénicie qu'il publie en 1864, il lance 3 ans plus tard, en 1867, le grand corpus des inscriptions phéniciennes, qui est aujourd'hui encore, pour cette discipline, un outil de travail absolument fondamental. Et dans la construction intellectuelle de Renan, il est une évidence que les Phéniciens sont un peuple, une nation. Nous sommes à un moment où il y a l'idée de nation qui prime sur tout. Et pourquoi vraiment construire ces Phéniciens comme un peuple? C'est vraiment pour nourrir en fait l'ancienneté de la notion de nation. Oui. En même temps, il y a chez Renan, on l'a entendu un petit peu dans l'extrait aussi, la conscience que le Liban est une nation qui a du mal à exister. Hein. La cohabitation, déjà à l'époque, la cohabitation entre plusieurs communautés était conflictuelle. Il a dû repousser son départ en mission parce que, si je puis dire, ça chauffait au Liban. Et c'était l'époque du protectorat français. Et donc, Il est conscient du fait que c'est une nation qui a du mal à éclore, la nation phénicienne. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est convaincu. Hein, on peut évoquer son célèbre texte de 1882, « Qu'est-ce qu'une nation ?». Il est convaincu que à chaque culture correspond une nation, correspond à un esprit, ce qu'il appelle un principe spirituel. Et au même moment, quand Renan va au Liban, est-ce qu'il ressent cet héritage phénicien? Est-ce qu'il le voit? Parce que vous l'avez bien dit, le Liban est déjà divisé entre plusieurs communautés. Est-ce qu'il recherche un héritage phénicien dans les peuples qui sont ses contemporains? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que d'une part, il exprime des avis très tranchés et très négatifs sur les populations arabe, comme il dit, hein. Et en revanche, il loue la douceur, la bonté des populations chrétiennes. Donc il a une vision de la Phénicie, des communautés qui la composent, qui est très biaisée, évidemment. Oui, parce que Renan n'est pas un auteur antisémite, mais il a la lecture des hommes de son temps où il hiérarchise très facilement et il utilise beaucoup l'art pour la hiérarchie. C'est ce que nous avons entendu dans l'extrait de la mission de Phénicie. Il hiérarchise l'art et effectivement, les Phéniciens s'en prennent plein la figure. Absolument, absolument. Et c'est pas le seul, hein, Perrochipier qui font la grande, le grand travail sur l'histoire de l'art de l'Antiquité ont des avis aussi très très négatifs sur l'art phénicien. Au fond, ce que Renan reconnaît aux Phéniciens, c'est ce génie de commerçant, de navigateur. Donc là, il dit au fond, la Phénicie, c'est, je crois qu'il a une expression où il dit au fond, la Phénicie, c'est pas vraiment une nation, c'est un chapelet de porcs. Et donc, il insiste beaucoup sur cette dimension maritime. Et là où les Hébreux sont des Sémites purs, comme il dit, c'est-à-dire vraiment qui ont apporté ce monothéisme qui est vraiment ce principe spirituel des Sémites, les Phéniciens, pour lui, sont des Sémites impurs parce qu'ils ont navigué partout et donc ont été contaminés. Alors, Renan, comme d'autres, reconnaît l'héritage. Et notamment, on a parlé de l'alphabet, mais il ne se revendique pas directement des Phéniciens. Qui se revendique des Phéniciens? Alors, dans son premier chapitre, Joséphine Quinn apporte trois exemples absolument intéressants et étonnants, d'une certaine façon. Le Liban et la Tunisie, ça, en soi, c'est pas tout à fait une surprise. Mais elle montre comment, en Irlande, on a exploité le souvenir des Phéniciens, en prétendant par exemple qu'il y avait une sorte de familiarité entre la langue irlandaise et la langue phénicienne. Et on établit une sorte de parallèle entre la domination britannique, la domination de la part des Britanniques sur l'Irlande, mise en parallèle donc avec la domination des Romains sur Carthage. Oui, c'est James Joyce hein, qui justement développe cette théorie d'héritage de la langue pour l'Irlande, parce qu'on voit bien l'héritage tunisien à Carthage, mais pour l'Irlande, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ah, c'est évidemment. Corinne Bonnet, ce qui est formidable dans ce que vous nous dites, c'est que l'on ressent à travers les siècles qu'il y a toujours une volonté pour une forme de nationalisme de se construire cet héritage. En fait, avec les Phéniciens, nous avons un peu un cas d'école. Absolument. Donc, il est évident que différentes nations dans le cours du 19e et encore au début du 20e siècle, je dirais jusqu'à la guerre 14-18, hein, qui du point de vue de l'historiographie est vraiment une fracture, jusqu'à la guerre 14-18, presque tous les peuples se construisent, y compris la France bien sûr, se construisent une mémoire collective, une identité collective, en travaillant sur leurs origines, sur leurs racines, sur leur mémoire, etc. Et donc c'est le cas aussi pour les Phéniciens vis-à-vis du Liban et vis-à-vis de la Tunisie. On a des formes d'appropriation de cette mémoire phénicienne, appropriation qui suppose toute une série de représentations, constructions. Joe Quinn utilise le terme de fantasme hein, autour de ces Phéniciens dont les Tunisiens, dont les Libanais se veulent les héritiers. Joe Quinn, donc Joséphine Crowley Quinn, oui, j'aime bien, à la recherche des Phéniciens. Dites-moi, Corinne Bonnet, mais vous pensez que ce travail est un travail qui remet vraiment en cause la perception que l'on peut avoir des Phéniciens? J'ai presque envie de dire, il était temps. Oui, alors c'est un avis partagé dans la discipline par les spécialistes du monde phénicien et punique que la notion de phénicien est une notion en quelque sorte conventionnelle. Je ne sais pas si vous avez vu dans la petite préface que j'ai faite, j'ai cité un texte de Lucia Febvre que j'aime beaucoup, qui est de 33, où il dit au fond cette notion de nation, il dit c'est un véhicule confortable pour remonter bien assis le cours des siècles. Voilà qui donc, est dit et bien dit, vous rajoutez voilà, dans votre préface. Voilà, c'est joli, hein. Oui. Voilà. Et donc au fond, c'est vrai que cette notion de phénicien, c'était pour nous tous un véhicule confortable. Voilà. Donc on était tous conscients du caractère conventionnel. La déconstruction, au fond, que produit Joséphine Quinn est particulièrement éloquente. Le problème qui se pose à nous, c'est par quoi remplacer la notion de phénicien dès lors qu'elle nous apparaît comme excessivement conventionnelle et finalement plus suffisamment utile pour reconstituer le tableau de ce qui s'est passé dans cette région. Il faut inventer, encore une fois, il faut inventer quelque chose d'autre. Et c'est vrai que depuis quelques années, on utilise beaucoup la notion de Levant, qui présente cet avantage de regrouper un territoire plus vaste, qui présente des traits culturels communs. Et donc, on peut produire, en utilisant cette notion, un tableau plus fluide, qui n'est pas contraint par les frontières, justement, nationales. C'est ce que je voulais vraiment vous poser comme question. Je suis ravi que vous y répondiez, parce que de dire que les Phéniciens n'existent pas en tant que tels, sont plus une invention, mais qu'il existe bien quelque chose, doit complètement chambouler la manière de travailler sur cette région. Et le Levant s'étend jusqu'où? Alors vous englobez vraiment une région beaucoup plus vaste que simplement le Liban. Oui, on remonte plus au nord, vers la Syrie, hein, on englobe la Syrie, on descend vers le sud et on ne s'interdit pas du tout, au contraire, de travailler sur les arrière-pays qui ont été jusque-là assez négligés en fait. Hein. On a un peu dans les pas d'Ernest Renan, beaucoup travaillé sur la dimension maritime et un peu négligé tout ce qui relève des arrière-pays, donc l'exploitation des terrains agricoles, mais aussi des montagnes qui ne sont pas du tout infranchissables, qui comportent des voies de communication. Donc on arrive à, en utilisant cette notion plus fluide et plus englobante de Levant, on arrive à produire un tableau historique qui est moins contraint par cette vision nationaliste qui supposerait l'existence de Syriens au nord, Phéniciens au milieu et puis les Hébreux en dessous. Ben merci beaucoup Corinne Bonnet, c'est passionnant. À la recherche des Phéniciens, vous avez préfacé cet ouvrage de Joséphine Crowley-Quinn. Merci beaucoup Corinne Bonnet. C'est moi qui vous remercie. Et nous poursuivons nos aventures vers les civilisations perdues en allant dans quelques minutes nous balader au bord du lac. Navigating through a mind storm, following lost desires, and troubling thoughts of they hold me back. Truth be told, I've gotta say, what a trouble to be lost in paradise. What a shame to be lost in this place. Et ses paradis perdus, Paradise Lost, décidément que de paradis perdus. Dans le cours de l'histoire, une émission mise en onde par Thomas Jost, à la technique aujourd'hui, Clément Daté et les équipes de France Bleu Occitanie. Maintenant, nous partons en Suisse. Marc-Antoine Kaiser, bonjour. Bonjour. Docteur en archéologie, directeur du Laténium, le parc et musée d'archéologie de Neuchâtel. C'est quoi ce parc et musée? En fait, c'est un énorme musée. C'est le plus grand musée archéologique de Suisse qui a reçu le prix du musée du Conseil de l'Europe. Et ça se situe évidemment au bord du lac de Neuchâtel. Et ça tombe bien parce que vous êtes auteur des Lacustres, archéologie et mythes nationales. C'est aux presses polytechniques et universitaires romandes et aussi de vision d'une civilisation engloutie. Ça fait rêver, civilisation engloutie. La représentation des villages lacustres. Les villages lacustres, nous sommes en Suisse, nous sommes au bord du lac, nous sommes dans un monde qui fascine. Écoutons ce documentaire de 1983 sur la RTS, la radio-télévision suisse. Cette civilisation était paisible. Elle vivait dans une relative abondance, en harmonie avec son environnement. Et les découvertes des archéologues ont révélé qu'elle avait connu un développement remarquable. Mais autour de 770 avant Jésus-Christ, on constate l'abandon total et définitif des villages construits au bord des lacs. On constate aussi que cet abandon n'a rien de brutal ni de catastrophique. Pas trace de combat ou de massacre. Que s'est-il donc passé ? On pense qu'une aggravation du climat a fait remonter le niveau des lacs, noyant les rivages sur lesquels étaient bâties les agglomérations. Face à la montée des eaux, leurs habitants se seraient repliés en bon ordre pour aller s'établir ailleurs. Leur départ marque la fin de l'âge du bronze. Par la suite, la région verra arriver de nouveaux occupants. Ce seront des peuples de cavaliers et de guerriers conduits par de grands chefs. Et c'est alors que commence l'âge du fer. Marc-Antoine Kaiser, nous venons d'écouter une vision de ce village. Comme si on vous avait raconté une blague. Je vous vois rigoler depuis tout à l'heure. Expliquez-moi ce qui vous fait rire. Oh, bah, beaucoup de choses. Hein. Disons qu'on aurait pu à peu près deviner la date du témoignage, donc 1983. Puis j'ai été particulièrement sensible à... Ils se sont retirés en bon ordre. Et chez nous, en Suisse, évidemment, ça fait penser à la retraite de Marignan. C'est un élément extrêmement important dans la mythologie nationale. Donc évidemment, ce sont des ancêtres de la Suisse. Logiquement, s'ils se retirent, ils se retirent en bon ordre. Ce qui est très bien. Alors, qui sont ces lacustres, en fait, tels qu'on les imagine, en tout cas, dans la culture populaire, ou tels qu'on l'a présenté dans la culture populaire? Qui sont-ils? Alors, dans la culture populaire, c'est les ancêtres de la Suisse. Ce sont des agriculteurs, ce sont des éleveurs, des pêcheurs, qui vivent au bord des lacs, au pied des Alpes, et qui mèneraient une vie assez idyllique, un petit peu paisible, abondance, harmonie, développement remarquable. C'est un petit peu tout ça à la fois. Maintenant, ça, c'est évidemment la vision, la vision dans la culture populaire, mais il s'agit aussi d'une réalité archéologique. Qui commence en 1854. Alors, les premières découvertes datent de 1854, et c'est des découvertes qui vont évidemment frapper les contemporains, dans la mesure où, à cette époque-là, la préhistoire, l'archéologie préhistorique, n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'elle est, on va dire qu'elle est un petit peu elle est encore dans les fonds baptismaux. Et les découvertes de sites d'habitat sur les rives des lacs suisses sont les premières découvertes d'habitat sédentaire dans l'histoire de l'archéologie. Donc, d'une certaine manière, ces villages sont les premières attestations, et les attestations les plus anciennes, de la sédentarité humaine. D'accord, les plus vieux villages du monde seraient suisses, tels qu'on le pense, à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qu'on trouve exactement? Ce sont des villages de bois, donc on trouve pas grand-chose, j'imagine. Si, il y avait des restes quand même. Alors ce sont des villages de bois et de terre, une architecture de torchis. Hein. Donc c'est, on va dire, assez modeste, au sens où Renan l'entendait tout à l'heure. En revanche, les sites sont d'une extraordinaire richesse en raison des conditions de conservation. C'est-à-dire que l'humidité constante et la place des sédiments littoraux a permis la conservation de toutes les matières organiques. C'est-à-dire que là où d'ordinaire on va trouver par exemple un fragment de silex, là vous avez tout l'outil avec le manche en bois, avec la gaine en bois de serre. Enfin, vous pouvez trouver également des restes de nourriture qui se sont miraculeusement préservés pendant des milliers d'années. Des pommes, vous trouvez des noisettes, vous trouvez, je sais pas, des pennes, des pelotes de fil. En fait, la grande spécificité de cette archéologie-là, de cette archéologie des bords des lacs, c'est qu'elle révèle la vie quotidienne de ces temps immémoriaux avec un réalisme absolument fascinant. C'est-à-dire qu'on entre vraiment dans la banalité du quotidien de très très lointains ancêtres. Et de cette banalité du quotidien va être créé le mythe fondateur d'un peuple qui est là depuis toujours. C'est ainsi que ça se construit. Mais comment se construit cette idée de peuple lacustre originaire? Il y a une vraie volonté derrière, dans la construction nationale suisse, d'avoir ses ancêtres paisibles. Alors à mon sens, disons qu'au départ, ce sont quand même des découvertes archéologiques qui ont été étudiées par des savants qui essayent, mais qui manifestement n'ont pas réussi de se défendre contre l'esprit de leur temps. Mais simplement, leurs interprétations ont connu un succès phénoménal qui a encouragé une récupération nationaliste, identitaire de ces trouvailles. En fait, il faut voir aussi le moment où on se trouve, c'est-à-dire que les découvertes, vous l'avez dit, datent de 1854. C'est en fait au lendemain de la création de l'État fédéral suisse. La Suisse est en fait un État récent qui a été créé en 1848, donc dans la foulée du printemps des peuples, à l'issue d'une guerre civile. Donc on est dans un contexte extrêmement conflictuel. On a un pays qui, face au développement de l'impérialisme français, l'affirmation des nationalismes allemands et italiens, ben c'est un pays, on va dire la Suisse, on n'utilisait pas ce terme-là à l'époque, mais c'est un pays multiculturel. Et donc son identité doit être affirmée, on va dire, d'une manière originale. Or, en Suisse, on est dans une situation difficile de ce point de vue. Et les lacustres, disons, ces découvertes archéologiques vont constituer du pain béni pour le discours identitaire qui va s'approprier ces ancêtres qui, de fait, correspondent à toutes sortes de caractéristiques qui sont très valorisées dans la deuxième moitié du 19e siècle en Suisse. Lesquelles ? Alors, principalement, déjà, on va dire, donc la Suisse, la grande spécificité de la Suisse à cette époque, c'est que c'est la seule démocratie sur le continent européen. Donc, découvrir un peuple de gens modestes qui vivent de manière relativement égalitaire dans des conditions de vie assez agréables, mais qui ont ressenti la nécessité de se bâtir, car c'est ainsi qu'on se les refigurait à l'époque, de se bâtir des habitats sur des plateformes en retrait, à l'abri. Évidemment, cet habitat est une métaphore du cas particulier suisse et de cette isolation aussi de la Suisse au cœur du continent européen. Alors, il y a l'aspect égalitaire, il y a l'aspect démocratique et il y a cette fameuse modestie des Helvètes. Alors, moi j'ai parlé, on va dire, de cette vie quotidienne. Alors, la spécificité de cette archéologie, c'est qu'on trouve des vestiges extrêmement, justement, tous ces vestiges banals de la vie quotidienne. Évidemment, ça va donner l'illusion, du fait qu'on a fouillé des sites d'habitat, ça va donner l'illusion de gens eux-mêmes modestes qui n'ont guère d'apparat, d'armes, etc. Parce que la comparaison, elle se fait, ben, si vous voulez, par exemple, avec des trouvailles archéologiques faites, en France. Ben, en France, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver des tombes. Or, dans les tombes, on a des matériaux qui évoquent le monde guerrier, qui évoquent la religion. On a des quantités de choses qui peuvent, d'objets de prestige, qu'on va évidemment pas retrouver dans les foyers et les habitats. Marc-Antoine Kaiser, ce que vous venez de dire, c'est que l'on ne trouve pas d'armes, en fait, dans ces cités lacustres et que la nation suisse va l'utiliser pour justifier, en fait, la neutralité suisse. Voilà. Une neutralité assez modeste. Alors, on trouve quelques armes, mais de manière assez étonnante. Alors que dans les années 50, 60, on n'en parle absolument pas de ces armes. On va commencer à en parler après la guerre franco-prussienne, à un moment où on va dire précisément au moment où la Suisse se dote d'une armée fédérale. Dans les années 1870. Voilà. Donc là, on a besoin d'armes et on trouve des armes. Disons, on parle de celles qu'on a trouvées, auxquelles on ne faisait pas tellement attention précédemment. Alors, peut-on parler d'un mythe fondateur ? Ça, c'est vraiment la question. Claude Lévi-Strauss, en 1996, répondait à cette terrible question. Mais qu'est-ce qu'un mythe ? Un mythe, c'est une histoire qui essaiera d'expliquer ou de donner les mêmes raisons qui font que le soleil est à une bonne de distance de la Terre, pas trop près parce que il consumerait tout, et pas trop loin parce qu'alors ce serait un hiver éternel et il ferait froid. Et pourquoi il est bon d'aller chercher sa femme à une bonne distance, pas trop près parce que ce serait incestueux, pas trop loin parce qu'on courrait le risque que ce soit la femme d'un groupe ennemi et qui vous cherchera du mal. Bon, nous, si nous voulons expliquer ce que c'est que le soleil, nous nous adresserons à une science particulière qui s'appelle l'astronomie, et si nous nous intéressons au mariage, nous irons trouver des juristes ou des sociologues. Le propre d'une explication mythique, c'est d'essayer de donner une explication totale, globale, qui vaille dans tous les domaines simultanément. Pour Claude Lévi-Strauss, donc, le mythe donne une explication globale, totalisante. Là, avec les cités lacustres, nous sentons bien que nous ne sommes pas dans la construction d'un mythe fondateur. Il n'y a pas la volonté de donner une explication globale de l'ensemble de la civilisation qui serait à l'origine de la Suisse, mais bien de créer une lignée nationale. C'est un peu ce qui se développe avec ces cités lacustres. Ce n'est pas un mythe, en fait, c'est juste une recherche d'ancêtres. Bon, à mon sens, le mythe se constitue petit à petit par lui-même. Et de fait, moi, ce qui m'incline à cette idée, c'est que d'une certaine manière, ce récit-là, en dépit des critiques de l'archéologie dans le courant du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, en fait, cette vision-là est restée extrêmement vivace chez mes compatriotes, on va dire. Et d'une certaine manière, on a affaire à une espèce de récit imaginaire qui continue à s'imposer et qui est dans un registre de vérité différent de celui de la science archéologique. Et le récit se concrétise quand il y a de la reconstitution. Il y a eu beaucoup de reconstitutions, notamment du déguisement. Et encore aujourd'hui, il y a des parades sur les déguisements. Je vous vois sourire aussi encore parce que Marc-Antoine Kaiser, j'ai sous les yeux. Alors, c'est vrai que ces magnifiques visions d'une civilisation engloutie que vous avez écrit à propos de ces villages lacustres, où vous reproduisez des photographies d'un brave Suisse déguisé en lacustre. Vous pouvez nous les décrire un petit peu à quoi ils ressemblent, ces lacustres? On a évidemment de la peinture historique, hein, tout d'abord au 19e siècle, donc des tableaux qu'on appelle aujourd'hui pompiers, mais on a également ces photos auxquelles vous faites référence, qui sont des photos de, on va dire, c'est des cortèges historiques. Alors ce sont des manifestations qui étaient extrêmement populaires dans la Suisse de l'époque, où la communauté s'auto-célébrait en défilant dans les rues lors de fêtes populaires, en groupe costumé représentant les différentes étapes de l'histoire nationale. Et donc, évidemment, les lacustres mènent le bal. Alors, ces lacustres, ce qui est marrant, c'est que justement, tels que les gens se déguisent, c'est pas exactement comme sur les tableaux historiques, parce qu'il y a évidemment un problème, on va dire, de modestie et de pudeur, hein, qui fait que on porte des espèces de justaucorps en dessous de sa peau de bête. On a quelques casques à cornes qui, en principe, n'ont rien à faire là, parce que c'est plutôt associé à l'imaginaire germanique. On a des haches en pierre ou des haches en bronze, des poignards, des lances, mais surtout, on défile généralement sur des chars, donc des chars mobiles, sur lesquels on met une maison. Donc en fait, on construit une maison lacustre parce que le lacustre est lié à l'habitat lacustre, cet habitat sur plateforme. Donc en fait, c'est ça la grande spécificité de cette population, c'est des habitats sur plateforme au-dessus des eaux, donc un effort, on va dire, architectonique énorme avec les outils à disposition à l'époque, précisément pour préserver cette indépendance et cette neutralité suisse. Donc on construit des maisons comme ça qui vont se déplacer. On trouve encore régulièrement des photos aujourd'hui. Je me demande si récemment, nous avons trouvé une épée dans le lac de Neuchâtel, qui s'avère être un faux. Et en fait, on se pose la question de savoir s'il ne s'agirait pas d'une épée de déguisement d'un cortège historique lacustre, que quelqu'un aurait facétieusement jeté au lac, précisément un emplacement où il y a un site archéologique. Marc-Antoine Kaiser, vous soulevez un problème qui est magnifique, c'est celui de l'objet culturel qui est la représentation, l'invention du mythe, et puis de l'autre côté, la recherche. Le chercheur qui est toujours face au problème, et c'est un écho que l'on trouve jusqu'au cinéma, chez René. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28. Je te l'ai dit, non? Ah bon? Mais une thèse sur quoi? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, Odile, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça? Bon, bah alors vas-y, c'est quoi? Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça? Non. Au lac de? Paladru! Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, ce... Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors? Pour faire parler les cons. Voilà, au moins c'est clair. Film d'Alain René, on connaît la chanson avec Sabine Azéma, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Ça sert à faire parler les cons. À propos du lac de Paladru, là on est en Isère, hein. Nous ne sommes pas en Suisse, mais enfin c'est à peu près la même réflexion sur les cités lacustres. Marc-Antoine Kaiser, quel regard portez-vous en tant qu'archéologue ? Vous avez travaillé, vous savez un petit peu les origines, qu'en fait, il n'y a pas vraiment quelque chose de purement suisse dans ces cités lacustres. Il y avait une population qui habitait le long des lacs. Quand vous voyez, en fait, l'utilisation qui est faite aujourd'hui, je pense que vous n'êtes pas là pour la juger ou pour la condamner, mais vous constatez quand même que c'est toujours nécessaire. On en a besoin. Oui, je pense qu'il est important aussi, en tant qu'archéologue, d'être conscient, on va dire, de ces récupérations identitaires potentielles et de, on va dire, du sens de ce que nous faisons pour la population en général. Je pense que c'est aussi le meilleur moyen de s'en prévaloir un peu et d'encourager, on va dire, notre propre réflexivité, notre propre esprit critique. Après, c'est évidemment, pour le directeur de musée que je suis, c'est aussi extrêmement important de prendre conscience, on va dire, de la nature, de l'intérêt de la population, de nos concitoyens, pour l'archéologie. Parce qu'en fait, comme le montre l'extrait de René, en fait, du film d'Alain René, comment dire, c'est un sujet immensément populaire. Ça dépend évidemment de la manière dont on le présente. Oui, parce que vous dirigez le Laténium, le parc et musée d'archéologie de Neuchâtel, donc vous voyez le public qui vient constater l'avancée des recherches archéologiques et puis l'état de la science, mais aussi être passionné parce que ça raconte, ça parle de nous-mêmes en fait. En fait, bon, c'est un petit peu ce que vous disiez au début, hein, on s'invente les ancêtres qu'on veut, et je crois que c'est d'ailleurs l'un des aliments extraordinaires des sciences historiques, c'est que on est libre de choisir son passé. Alors je pense qu'il faut le faire intelligemment, mais disons, tout ce qui est humain nous appartient et tout ce qui est du passé nous appartient. On peut se l'approprier. Alors on peut le faire avec mauvaise foi et de mauvaises intentions. On peut le faire de bonne foi avec simplement l'intention de, on va dire, de devenir plus sage, plus riche de toutes ces histoires, de tout ce passé. Et c'est comme ça que j'envisage ce rapport. Oui. C'est une très belle conclusion, Marc-Antoine Kaiser. Une conclusion de sage, d'archéologue. Mais nous allons continuer dans la sagesse parce qu'il est l'heure du journal de l'histoire avec Anaïs Quien. Anaïs, le journal. Que lit-on dans le journal aujourd'hui? Vous l'avez dit tout à l'heure, la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est vrai que ça n'aura échappé à personne, mais cette semaine, on commémore le début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a pléthore de documentaires à la télévision. Vous en avez choisi un. C'est lequel? Racontez-nous. Alors, parmi cette offre massive, c'est le film de Cédric Grua, Drôle de guerre, que j'ai choisi d'évoquer aujourd'hui. Grua revient sur les 9 mois qui ont précédé la défaite française de la déclaration de guerre, le 3 septembre 1939, jusqu'à l'armistice en juin 1940. Le projet reste classique dans la liste des commandes des chaînes publiques en prévision d'un grand anniversaire ou d'une grande célébration. Ce qui change, qui accroche, qui intrigue, c'est le doute sur la méthode. Comment faire pour ne pas aligner des faits plus ou moins bien connus et ordonnés dans une litanie tiède sur la Seconde Guerre mondiale dont on connaît déjà l'issue ? Comment porter son regard sur ces mois où rien ou presque ne se passe, où les acteurs ne connaissaient pas la suite de l'histoire, comme c'est notre cas aujourd'hui, spectateurs de 2019. La question est d'emblée posée. Il faudrait pouvoir la raconter sans en connaître déjà l'issue, pour ne pas biaiser notre regard et restituer au passé l'incertitude de l'avenir. Se mettre simplement à la place de celles et ceux qui ont vécu cette période, au jour le jour. Le choix de ne pas se placer depuis l'histoire connue était en l'occurrence un petit défi, puisque si ces mois sont nommés « drôles de guerre », c'est qu'on s'ennuie ferme, le bore-out absolu d'une nation sous les drapeaux qui ne combat pas et qui ne sait rien. Les informations sont toutes tournées vers les buts de guerre. On entretient la flamme patriote et l'on se présente toujours victorieux pour maintenir le moral des troupes, quitte à s'arranger avec la vérité. Mais comment se montrer victorieux lorsqu'on ne combat pas ? C'est un état de guerre sans la violence physique, mais avec les évacuations qui séparent les familles, avec une mobilisation sans objet qui contraint à l'uniforme, à la norme militaire et dans ce cas, à l'oisiveté imposée. L'oisiveté imposée, mais alors de quoi est fait ce documentaire, Anaïs ? Cédric Grua a choisi de montrer des films amateurs et d'y mêler les témoignages des contemporains à son propre commentaire. Un commentaire bien senti et qui sait se taire pour nous laisser parfois voir ces images. Pratique peu habituelle, mais louable. Mais louable, oui, il faut savoir se taire de temps en temps. Et parmi ces témoignages plus ou moins anonymes, hein, on en connaît quelques-uns tout de même. Bien sûr, l'inévitable De Gaulle, en charge d'une flotte de chars d'assaut, qui trépigne face à ce qui confine à la mission d'un gardien de parking. Mais en octobre, c'est Simone de Beauvoir qui obtient la palme du sens de la formule. Que signifie au juste ce mot « guerre » Il y a un mois, quand ça a été imprimé en grosses lettres sur les journaux, c'était une horreur informe. C'était une tension de toute la personne. C'était confus, mais plein. Maintenant, c'est un éparpillement vague d'emmerdement. Je suis détendue et vague. J'attends je ne sais quoi. On dirait que tout le monde attend. Cet éparpillement vague d'emmerdement, c'est peut-être là la grande réussite de ce documentaire. Nous montrer comment l'événement se construit par un jeu d'hésitation et de prise de décision de circonstances. Ce qui n'est pas rien, ces prises de décision de circonstances. Donc, faut regarder ce film, et pas seulement par ce qu'il dit, mais aussi parce qu'il est beau. Pas de colorisation approximative qui uniformise toujours un peu les images que l'on a sous les yeux et en efface les singularités, mais un travail de qualité sur le noir et blanc qui restitue la profondeur, la texture de l'archive. Certaines sont colorisées a priori parce qu'elles l'étaient déjà à l'origine, là encore une fidélité à l'identité de l'image qui ne demande pas de maquillage pour être pleinement appréciée. Cette drôle de guerre dont on comprend toute l'étrangeté nous est racontée et renouvelle le regard sur ces mois qu'on s'empresse toujours bien vite d'oublier. Drôle de guerre de Cédric Gruat, c'est sur Arte, ce soir sur vos écrans, et en ligne ensuite, évidemment, jusqu'en 2021, je crois. 2021, ça laisse du temps. Merci beaucoup Anaïs Kien pour ce journal de l'histoire. Ce journal de l'histoire dans le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane Viudès et Camille André, merci beaucoup à vous. Ce que vient de dire Anaïs Kien, Marc-Antoine Kaiser, on parle du très contemporain, nous commémorons le début de la Seconde Guerre mondiale et nous parlons dans le même temps de cités extrêmement anciennes, des cités lacustres. Il y a un lien à tirer entre tout ça, il y a un lien à tirer sur la construction des nations, cet écho. Ce va-et-vient, vous le faites, vous, encore en tant que directeur du Laténium, parc et musée de Neuchâtel. Il y a cette réflexion sur dire qui nous sommes et que l'archéologie n'est pas juste là pour dresser un tableau. Oui, je pense que ce qui est important pour nous, c'est que bon, ben, si on parle des lacustres, on parle de matériaux qui ont 5000 ans. Mais en fait, ils n'ont pas juste 5000 ans, ils datent aussi de 1854, ils datent aussi, j'ai parlé tout à l'heure de la guerre franco-prussienne, bien entendu de la Seconde Guerre mondiale, hein, où ces lacustres vont aussi jouer un rôle. Ils aident en quelque sorte les soldats, les épouses des soldats à affronter la difficulté des temps. Vous avez entendu le témoignage de 1983. Ils ont, nous, la dernière exposition nationale en Suisse, on l'a construite sur des plateformes. Et les architectes, je les ai rencontrés, se sont absolument pas rendus compte qu'ils étaient, on va dire, façonnés par le mythe lacustre. C'est le mythe qui nous passionne et le comprendre qui nous intéresse encore plus. Merci beaucoup Marc-Antoine Kaiser. C'est la fin de notre émission, Le cours de l'histoire. Nous nous retrouvons demain pour la suite des aventures. Ce sera l'Afrique rêvée, l'Afrique qui rêve ses civilisations passées.